voudrais qu'on chuchote, qu'on leur cache la vérité. Oh putain, j'allume comme c'est faste. Bon, tout ça c'est mérité. Ils voudraient qu'on fasse moins de bruit. Ils nous préfèrent pas de bruit. On l'a remarqué depuis. T'es là, rien que tu suces des sous. T'es là, tu fais le vache. On se tue à la tâche. Plus de wave que dans sa touche. Toi c'est mieux, tu restes en touche. C'est mieux, tu restes sur le bench. Hey, viens ton lion en traite. Marc, c'est mieux, tu restes sur le bench. Hiver glacial comme automne. Aucun mensonge, c'est ma nation. Toujours dans une élévation. Mes rivaux diront qu'on est plein, sans doute. Je veux faire le con de partout. Hein. Si j'y vais, c'est pas par politesse. On l'a bas coûte dans la maison, je vais pas parler plus fort. Y'a pas que la nuit qu'on voit des uniformes. Et tu tends une oreille, et tu colles. Je pop, mais je vais pas prendre de folle. Allez, c'est pour eux cette année, nous on bosse, t'sais, c'est le bordel, c'est propre. Je vais pas rider, c'est top, hop, c'est dans mon ressort. Tout a cadencé, mais tu prends un sort. Je suis comme il cazzo, non sono saggio. Mi faccio spazio, ne accendo una per restare calmo. Alzo la barra ad ogni pezzo come il sex appeal. Tutti i problemi nella lì, ti levo insta parli c. Non puoi tradurre la poesia di strada, ehi. Capisci bene se non nada, quanto bla bla, ehi. Anche stasera sono fire, wow, ehi. La mia è tutta la costa, è piena di buchi, sappiamo tutti cosa fumi. Sento la base, mi sale il boom, sento che mi risale il sushi. Ehi, litro, wow, so ciò serve un litro. Ehi, forte, forte sei un mito. Demain j'ai du parkour. Ça ça la fait pas rire. Je te vois ta faire allure. Mais quand elle aime ton père, ça peut la rire. Me dis pas que ça donne de vos sang. Toi t'es calos, mon même en pas. Je suis expert dans le père. Comme au scarabée, tu vas prendre une barcatelle. Je connais pas Los Angeles, mais je règle si j'ai son Los Angeles. Comme Tony m'a aussi. Pour l'instant, j'ai pas un. En plus de ça, j'ai de la réplique quand t'as que les noms. Quand t'as un, moi je suis à l'ossard. Parfois que je suis sérieux, alors que je fais que la folie.